La cité de Dieu de Saint Augustin, livre 16e, de Noé à David, édition Charpentier 1855, tome 3e, traduction par Monsieur Émile Edmond, Cesset. Marc M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Dans la première partie de ce livre, du premier chapitre au deuxième, Saint Augustin expose le développement des deux cités, d'après l'histoire sainte, depuis Noé jusqu'à Abraham. Dans la dernière partie, il s'attache à la seule cité céleste depuis Abraham jusqu'aux rois hébreux. Chapitre 1er. Si, depuis Noé jusqu'à Abraham, il y a eu des hommes qui aient servi le vrai Dieu. Il est difficile de savoir par l'écriture si, après le déluge, il resta quelques traces de la sainte cité, ou si elles furent entièrement effacées pendant quelque temps, en sorte qu'il n'y eut plus personne qui adora le vrai Dieu. Depuis Noé, qui mérita avec sa famille d'être sauvé de la ruine générale de l'univers, jusqu'à Abraham, nous ne trouvons point que les livres canoniques parlent de la piété de qui que ce soit. On y rapporte seulement que Noé, pénétré d'un esprit prophétique et lisant dans l'avenir, bénit deux de ses enfants, Sem et Japhet. C'est aussi à titre de prophète qu'il ne maudit pas son fils coupable, Cham, dans sa propre personne, mais dans celle de Chanaan. Voici ses paroles. Maudit soit l'enfant Chanaan, il sera l'esclave de ses frères. Or, Chanaan était né de Cham, qui, au lieu de couvrir la nudité de son père endormi, l'avait mise au grand jour. De là vient encore que cette bénédiction de ses deux autres enfants, de l'aîné et du cadet, que le Seigneur Dieu bénisse Sem. Chanaan sera son esclave. Que Dieu comble de joie Japhet, et qu'il habite dans les maisons de Sem. Genèse 9, 25 à 27. Cette bénédiction, dis-je, est la vigne que Noé planta, et son ivresse, et sa nudité, est la suite de ce récit. Tout cela est rempli de mystères et voilé de figures. Voir, contre Faust, livre 12, chapitre 22 et suivant. Chapitre 2. De ce qui a été figuré prophétiquement dans les enfants de Noé. Mais les événements ont assez découvert ce que ces mystères tenaient cachés. Qui ne reconnaît, à considérer les choses avec un peu de soin et quelques lumières, que les prophéties sont accomplies en Jésus-Christ. Sem, de qui le Sauveur est né selon la chair, signifie renommé. Or, qu'y a-t-il de plus renommé que Jésus-Christ dont le nom jette une odeur si agréable de toutes parts qu'il est comparé, dans le Cantique des Cantiques, à un parfum épanché? Cantique 1, 2. N'est-ce pas aussi dans les maisons de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans ses églises, qu'habite cette multitude nombreuse de nations figurées par Japhet, qui signifie étendu? Pour Cham, qui signifie chaud, Cham, dis-je, qui était le second fils de Noé, entre Sem et Japhet, comme se distinguant de l'un et de l'autre, et ne faisant partie ni des prémices d'Israël, ni de la plénitude des gentils, que figurent-ils, sinon les hérétiques, hommes ardents et animés, non de l'esprit de sagesse, mais d'une impatience qui les transporte et leur fait troubler le repos des fidèles? Cette ardeur aveugle tourne, du reste, au profit de ceux qui s'avancent dans la vertu, suivant cette parole de l'apôtre, il faut qu'il y ait des hérésies, afin que l'on reconnaisse par là ceux qui sont solidement vertueux. 1 Corinthiens 2, 19. C'est pour cela qu'il est écrit ailleurs, un homme sage se servira utilement de celui qui ne l'est pas. Proverbe 10, 4. Tandis que la chaleur inquiète des hérétiques, agite plusieurs questions qui concernent la foi, leurs contradictions nous obligent de les examiner avec plus de soin, afin de pouvoir mieux les défendre contre eux, en sorte que les difficultés qu'ils proposent servent à l'instruction des fidèles. On peut dire aussi que non seulement ceux qui sont publiquement séparés de l'Église, mais encore tous ceux qui, se glorifiant d'être chrétiens, vivent mal, sont représentés par le second fils de Noé. Car ils annoncent par leur foi la passion du Sauveur figurée par la nudité de ce patriarche, et en même temps ils la déshonorent par leurs actions. C'est de qui les dit, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. » Matthieu 7, 20. De là vient que Cham fut maudit en son fils comme en son fruit, c'est-à-dire en son œuvre, et que Chénaan signifie leur mouvement, c'est-à-dire leurs œuvres. Quant à Sem et Japhet, c'est-à-dire la circoncision et l'incirconcision, ou, pour les désigner autrement avec l'apôtre, les Juifs et les gentils, mais appelés et justifiés, ayant connu en quelque façon que j'ignore la nudité de leur père, laquelle figure la passion du Rédempteur, ils prirent leur manteau sur leurs épaules, et, marchant à reculons, en couvrirent Noé et ne voulurent point voir ce que le respect leur faisait cacher. Genèse 9, 23. Ainsi, nous honorons ce qui a été fait pour nous dans la passion de Jésus-Christ, et nous ne laissons pas toutefois d'avoir en horreur le crime des Juifs. Le manteau que prirent ces deux enfants de Noé pour couvrir la nudité de leur père, signifie le divin sacrement, et leurs épaules, la mémoire des choses passées, parce que l'Église célèbre la passion du Sauveur comme déjà arrivée, et ne la regarde pas comme une chose à venir, maintenant que Japhet demeure dans les maisons de Sem et que leur mauvais frère habite au milieu d'eux. Mais ce mauvais frère est esclave de ses bons frères en son fils, c'est-à-dire en son œuvre, lorsque les gens de bien se servent des méchants ou pour l'exercice de leur patience, ou pour l'affermissement de leur vertu. En effet, l'apôtre témoigne qu'il y en a qui ne prêchent pas Jésus-Christ avec une intention pure. Mais pourvu, dit-il, que Jésus-Christ soit annoncé, par prétexte ou par un vrai zèle, il n'importe, je m'en réjouis et m'en réjouirai toujours. Philippiens 1, 15, 17 et 18. C'est Jésus-Christ qui a planté la vigne, dont le prophète dit, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël, Isaïe 5, 7. Et il a bu du vin de cette vigne, soit que par ce vin on entende le calice dont il dit aux enfants de Zébédée, « Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ?» Matthieu 20, 22. Et encore, « Mon Père, si cela se peut, que ce calice passe sans que je le boive. » Matthieu 26, 39. Par où il marque sans contredit sa passion, soit que, comme le vin est le fruit de la vigne, on veuille entendre plutôt par là qu'il a pris de la vigne même, c'est-à-dire de la race des Israélites, sa chair et son sang, afin de pouvoir souffrir pour nous, et qu'il s'est enivré et qu'il a été nu. Genèse 9, 21. Parce que c'est là qu'apparut sa faiblesse, dont l'apôtre dit, s'il a été crucifié, c'est un effet de sa faiblesse. 2 Corinthiens 13, 4. Mais ainsi que le déclare le même apôtre, ce qui paraît faiblesse en Dieu est plus fort que toute la force des hommes, et sa folie apparente est plus sage que toute leur sagesse. 1 Corinthiens 1, 25. Quand l'Écriture, après avoir dit de Noé qu'il demeura nu, Genèse 9, 21, ajoute, dans sa maison, cela montre ingénieusement que c'était des hommes de même origine que Jésus-Christ, savoir des Juifs, qui devaient lui faire souffrir le supplice de la mort et de la croix. Les réprouvés annoncent cette passion de Jésus-Christ seulement de boucher au dehors, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils annoncent. Mais les gens de bien portent gravé au-dedans d'eux-mêmes un si grand mystère, et adorent dans leur cœur cette faiblesse et cette folie de Dieu, parce qu'elle surpasse tout ce qu'il y a de plus fort et de plus sage parmi les hommes. C'est ce qui est très bien figuré, d'un côté, par Cham, qui sortit pour publier la nudité de son père, et, de l'autre, par Sem et Japhet qui, touchés de respect, entrèrent pour la cacher, fidèle image de ceux qui honorent intérieurement ce mystère. Nous sondons ces secrets de l'Écriture comme nous pouvons. D'autres le feront peut-être avec plus ou moins de succès, mais, de quelque façon qu'on le fasse, il faut toujours tenir pour constant que ces choses n'ont pas été faites ni écrites sans mystère, et qu'il ne les faut rapporter qu'à Jésus-Christ et à son Église, qui est la cité de Dieu annoncée dès le commencement du monde par des figures dont nous voyons tous les jours la réalité. L'Écriture donc, après avoir parlé de la bénédiction des deux enfants de Noé et de la malédiction du second, ne fait mention jusqu'à Abraham d'aucun serviteur du vrai Dieu. Ce n'est pas néanmoins, à mon avis, qu'il n'y en ait quelques-uns dans cet espace de temps, qui est de plus de 1000 ans, mais c'est qu'il aurait été trop long de les rapporter tous, et que cela serait plus de l'exactitude d'un historien que de la prévoyance d'un prophète. Aussi bien, le dessein de l'auteur des Saintes Lettres, ou plutôt de l'Esprit de Dieu, dont il était l'organe, n'est pas seulement de raconter le passé, mais d'annoncer l'avenir, en tant qu'il concerne la cité de Dieu. Tout ce qui est dit de ceux qui n'en sont pas les citoyens, n'est que pour lui servir d'instruction ou pour rehausser sa gloire. Il ne faut pas s'imaginer toutefois que tous les événements qui y sont rapportés aient une signification mystique, mais ce qui ne signifie rien y est mis en vue de ce qui a une signification. Il n'y a que le soc qui fende la terre, mais pour cela les autres parties de la charrue sont nécessaires. Dans les instruments de musique, on ne touche que les cordes, elles seules font le son, et néanmoins on y joint d'autres ressorts qui servent à nouer et à tendre ces cordes retentissantes. Ainsi, dans l'histoire prophétique, on marque quelques événements qui n'ont aucune portée figurative, afin d'y attacher, pour ainsi dire, ceux qui figurent quelque chose. Chapitre 3. Généalogie des trois enfants de Noé. Il faut considérer maintenant la généalogie des enfants de Noé, et en dire ce qui sera nécessaire pour marquer le progrès de l'une et de l'autre cité. L'Écriture commence par Japhet, le plus jeune des fils de Noé, qui eut 8 enfants, l'un desquels en eut 3, l'autre 4, ce qui fait 15 en tout. Cham, le second fils de Noé, en eut 4, plus 5 petits-fils, dont l'un lui donna 2 arrière-petits-fils, ce qui fait 11. Après quoi l'Écriture revient à Cham et dit, Chus, qui est l'aîné de Cham, engendra Nébroth, qui était un géant et un grand chasseur contre le Seigneur, d'où est venu le proverbe, grand chasseur contre le Seigneur comme Nébroth. Les principales villes de son royaume étaient Babylone, Orech, Arshat et Kélané, dans le territoire de Sénar. De cette contrée sortit Assur, qui bâtit Ninive, Roboth, Alak et, entre Ninive et Alak, la grande ville de Dazem. Genèse 10, 8. Or, ce Chu, père du géant Nébroth, est nommé le premier entre les enfants de Cham, et l'Écriture avait déjà fait mention de 5 de ses fils et de 2 de ses petits-fils. Il faut donc qu'il ait engendré ce géant après la naissance de ses petits-fils, ou, ce qui est plus probable, que l'Écriture l'ait cité à part, parce qu'il était très puissant, car en même temps elle parle aussi de son royaume, qui prit naissance dans la fameuse Babylone et autres villes ou contrées déjà citées. Quant à ce qu'elle dit d'Assur, qu'il sortit de cette contrée de Sénar, qui dépendait du royaume de Nébroth, et qu'il bâtit Ninive et les autres villes dont elle fait mention, cela n'arriva que longtemps après, mais elle en parle ici en passant et par occasion, à cause de l'empire fameux des Assyriens que Ninus, fils de Bélus et fondateur de cette grande ville de Ninive, qui prit son nom, étendit merveilleusement. Pour Assur, d'où sont sortis les Assyriens, il n'était pas fils de Cham, mais de Sem, aîné de Noé. D'où il paraît que, dans la suite, des descendants de Sem possédèrent le royaume de Nébroth, et, s'étendant plus loin, fondèrent d'autres villes dont Ninive fut la première. De là, l'écriture remonte à un autre fils de Cham, nommé Mesraïm, et à ses 7 enfants, elle en parle, non comme de particuliers, mais comme de nations, disant que de la 6e sortit celle des Philistins, ce qui en fait 8. Ensuite elle retourne à Chanaan, en qui Cham fut maudit, et fait mention d'11 de ses fils et de certaines contrées qu'ils occupaient. Ainsi toute la postérité de Cham monte à 31 personnes. Reste à parler des enfants de Sem, aîné de Noé, car c'est lui qui termine cette généalogie. Mais il y a ici quelque obscurité dans la Genèse, où il n'est pas aisé de découvrir quel fut le premier fils de Sem. Voici ce qu'elle dit. De Sem, père de tous les enfants d'Héber et frère aîné de Japhet, naquirent Ella, etc. Genèse 10, 21. Par là, il semblerait qu'Héber fût fils immédiat de Sem, et cependant il n'est que le 5e de ses descendants. Sem, entre autres fils, engendra Arphaxat, Arphaxat engendra Caïnan, Caïnan engendra Sala, et Sala engendra Héber. L'écriture a voulu faire entendre par là que Sem est le père de tous ses descendants, tant fils que petit-fils et autres de sa race, et ce n'est pas sans raison qu'elle parle d'Héber avant que de parler des fils de Sem, quoi qu'il n'y soit, comme je viens de le dire, que le 20e de sa race, à cause que c'est de lui que les Hébreux ont pris leur nom, bien que d'autres veuillent que ce soit d'Abraham, mais avec moins d'apparence. Voir, Rétraction, livre 2, chapitre 16. Ainsi l'écriture nomme d'abord 6 enfants de Sem, l'un desquels en eut 4, puis elle fait mention d'un autre fils de Sem qui lui engendra un petit-fils, et celui-ci un arrière-petit-fils dont sortit Héber. Héber eut 2 fils, dont l'un fut nommé Phalek, c'est-à-dire divisant, à cause, dit l'Écriture, que de son temps la terre fut divisée. L'autre eut 12 fils, de sorte que toute la postérité de Sem est de 20 personnes. De cette manière, tous les descendants des 3 fils de Noé, c'est-à-dire 15 de Japhet, 31 de Cham et 27 de Sem, font 73. Après, l'Écriture ajoute, voilà les enfants de Sem selon leur famille, leur langue, leur contrée et leur nation. Genèse 10, 31. Et parlant de tous ensemble, voilà les familles des enfants de Noé, selon leur génération et leur peuple, d'elle fut peuplée la terre après le déluge. On voit par là que c'est de nations et non d'hommes en particulier que parle l'Écriture, lorsqu'elle fait mention de ces 73, ou plutôt 72 personnes, comme nous le montrerons ci-après, et que c'est pour cela qu'elle en a omis plusieurs de la postérité de Noé, non qu'il n'ait eu des enfants aussi bien que les autres, mais parce qu'ils n'ont pas fait souche comme eux, et n'ont pas été pères d'un peuple. Note. Ce Caïnan, qui est donné par tous les manuscrits de la version 70 et par Saint Luc 3, 36, ne se trouve ni dans le texte hébreu, ni dans la Vulgate. Chapitre 4. De Babylone et de la confusion des langues. Mais, quoique l'Écriture rapporte que ces nations furent divisées chacune en leur langue, elles ne laissent pas ensuite de revenir au temps où elles n'avaient toutes qu'un seul langage, et de déclarer comment arriva la différence qui y survint. Toute la terre, dit-elle, parlait une même langue, lorsque les hommes, s'éloignant de l'Orient, trouvèrent une plaine dans la contrée de Sénar, où ils s'établirent. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, faisons des briques et les cuisons au feu. » Ils prirent donc des briques au lieu de pierre, et du bitume au lieu de mortier, et dirent, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet s'élève jusqu'au ciel, et faisons parler de nous avant de nous séparer. » Mais le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient, et il dit, « Voilà un seul peuple et une même langue, et, maintenant qu'ils ont commencé ceci, ils ne s'arrêteront qu'après l'avoir achevé. Venez donc, descendons et confondons leurs langues, en sorte qu'ils ne s'entendent plus l'un l'autre. » Et le Seigneur les dispersa par toute la terre, et ils cessèrent de travailler à la ville et à la tour. De là vient que ce lieu fut appelé confusion, parce que ce fut là que Dieu confondit le langage des hommes et qu'il les dispersa ensuite par tout le monde. Genèse 11, 1, 9. Cette ville, qui fut appelée confusion, c'est Babylone, et l'histoire profane elle-même en célèbre la construction merveilleuse. En effet, Babylone signifie confusion, et nous voyons par là que le géant Nébretan fut le fondateur, comme l'Écriture l'avait indiqué auparavant en disant que Babylone était la capitale de son royaume. Quoiqu'elle ne fût pas arrivée au point de grandeur où l'orgueil et l'impiété des hommes se flattaient de la porter. Ils prétendaient la faire extraordinairement haute et l'élever jusqu'au ciel, comme parlait l'Écriture, soit qu'ils n'eussent ce dessein que pour une des tours de la ville, soit qu'ils l'étendissent à toutes. L'Écriture ne parle que d'une, mais c'est peut-être de la même manière qu'elle dit le soldat pour signifier toute une armée, ou la grenouille et la sauterelle pour exprimer cette multitude de grenouilles et de sauterelles qui furent deux des plaies qui affligèrent l'Égypte. Exode 10, 4. Et psaume 77, 45. Mais qu'espéraient entreprendre contre Dieu ces hommes téméraires et présomptueux avec cette masse de pierre, quand il l'aurait élevé au-dessus de toutes les montagnes et de la plus haute région de l'air? En quoi peut nuire à Dieu quelque élévation que ce soit de corps ou d'esprit? Le sûr et véritable chemin pour monter au ciel est l'humilité. Elle élève le cœur en haut, mais au Seigneur, et non pas contre le Seigneur, comme l'Écriture le dit de ce géant, qui était un chasseur contre le Seigneur. Genèse 10, 9. C'est en effet ainsi qu'il faut traduire, et non devant le Seigneur, comme ont fait quelques-uns, trompés par l'équivoque du mot grec, qui peut signifier l'un et l'autre. Note. Le mot grec énantion, remarque Saint Augustin, signifie également devant et contre. La vérité est qu'il est employé au dernier sens dans ce verset du psaume, pleurons devant le Seigneur qui nous a fait. Psaume 94, 6. Et au premier dans le livre de Job, lorsqu'il est dit, vous vous êtes emportés de colère contre le Seigneur. Job 15, 13. Et que veut dire un chasseur sinon un trompeur, un meurtrier et un assassin des animaux de la terre? Il élevait donc une tour contre Dieu avec son peuple, ce qui signifie un orgueil impie, et Dieu punit avec justice leurs mauvaises intentions, quoiqu'elle n'ait pas réussi. Mais de quelle façon vont la punit-il? Comme la langue est l'instrument de la domination, c'est en elle que l'orgueil a été puni, tellement que l'homme, qui n'avait pas voulu entendre les commandements de Dieu, n'a point été à son tour entendu des hommes, quand il a voulu leur commander. Ainsi fut dissipée cette conspiration, chacun se séparant de celui qu'il n'entendait pas pour se joindre à celui qu'il entendait. Et les peuples furent divisés selon les langues et dispersés dans toutes les contrées de la terre par la volonté de Dieu, qui se servit pour cela de moyens qui nous sont tout à fait cachés et incompréhensibles. Chapitre 5. De la descente de Dieu pour confondre les langues. Le Seigneur, dit l'Écriture, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants des hommes. Genèse 11, 5. C'est-à-dire non les enfants de Dieu, mais cette société d'hommes qui vit selon l'homme, et que nous appelons la cité de la terre. Cette descente de Dieu ne doit pas s'entendre matériellement, comme s'il changeait de lieu, lui qui est tout entier partout. Mais on dit qu'il descend, lorsqu'il fait sur la terre quelque chose d'extraordinaire qui marque sa présence. De même, quand on dit qu'il voit quelque chose, ce n'est pas qu'il ne l'eût vu auparavant, lui qui ne peut rien ignorer, mais c'est qu'il l'a fait voir aux hommes. On ne voyait donc pas cette ville comme on la vit depuis, quand Dieu eut montré combien elle lui déplaisait. Toutefois on peut fort bien entendre que Dieu descendit sur cette ville, parce que ses anges, en qui il habitait, y descendirent, en sorte que ses paroles, Dieu dit, ils ne parlent tous qu'une même langue, et le reste, et ensuite. Venez, descendons et confondons leur langage, Genèse 11, 6, 7, ne serait qu'une récapitulation pour expliquer ce que l'Écriture avait déjà dit, que le Seigneur descendit. En effet, s'il était déjà descendu, que, voudrait dire ceci, venez, descendons et confondons leur langage, ce qui semble bien s'adresser aux anges et signifier que celui qui était dans les anges descendait par leur ministère. Il faut encore remarquer à ce propos que le texte hébreu ne dit pas « venez et confondez », mais « venez et confondons », pour faire voir que Dieu agit tellement par ses ministres, que ses ministres agissent avec lui. Suivant cette parole de l'apôtre, nous sommes les coopérateurs de Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Chapitre 6. Comment il faut entendre que Dieu parle aux anges? On pourrait croire que les paroles de la Genèse, « faisons l'homme », auraient été aussi adressées aux anges, si Dieu n'ajoutait « à notre image ». Ce dernier trait est décisif et ne nous permet pas de croire que l'homme ait été fait à l'image des anges, ou que Dieu et les anges n'aient qu'une même image. Nous avons donc raison d'entendre ce pluriel, faisons, des personnes de la Trinité. Et néanmoins comme cette Trinité n'est qu'un Dieu, après que Dieu a dit, faisons, l'Écriture ajoute, et Dieu fit l'homme à l'image de Dieu. Genèse 1, 26, 27. Elle ne dit pas, les dieux firent, ou, à l'image des dieux. Or, dans le passage discuté tout à l'heure, on pourrait également trouver une trace de la Trinité, comme si le Père, s'adressant au Fils et au Saint-Esprit, leur eût dit, venez, descendons et confondons leur langage. Mais ce qui retient l'esprit, c'est qu'ici rien n'empêche d'appliquer le pluriel aux anges. Ces paroles, en effet, leur conviennent mieux, parce que c'est surtout à eux à s'approcher de Dieu par de saints mouvements, c'est-à-dire par de pieuses pensées, et à consulter les oracles de la vérité immuable, qui leur sert de loi éternelle dans leur bienheureux séjour, ils ne sont pas eux-mêmes la vérité, Mais participant à cette vérité créatrice de toutes choses, il s'en approche comme de la source de la vie, afin de recevoir d'elle ce qu'il ne trouve pas en eux. C'est pourquoi le mouvement qu'il est porte vers elle est stable en quelque façon, parce qu'il ne s'éloigne jamais d'elle. Or, Dieu ne parle pas aux anges comme nous nous parlons les uns aux autres, ou comme nous parlons à Dieu ou aux anges, ou comme les anges nous parlent, ou comme Dieu nous parle par les anges. Il leur parle d'une manière ineffable, et cette parole nous est transmise d'une manière qui nous est proportionnée. La parole de Dieu, supérieure à tous ses ouvrages, est la raison même, la raison immuable de ses ouvrages, elle n'a pas un son fugitif, mais une vertu permanente dans l'éternité et agissante dans le temps. C'est de cette parole éternelle qu'il se sert pour parler aux anges, et quand il lui plaît de nous parler de la sorte au fond du cœur, nous leur devenons semblables en quelque façon, pour l'ordinaire, il nous parle autrement. Afin donc de n'être pas toujours obligé dans cet ouvrage de rendre raison des paroles de Dieu, je dirai ici, une fois pour toutes, que la vérité immuable parle par elle-même à la créature raisonnable d'une manière qui ne se peut expliquer, soit qu'elle s'adresse à la créature par l'entremise de la créature, soit qu'elle frappe notre esprit par des images spirituelles, ou nos oreilles par des voix ou des sons. Expliquons encore ces mots. Et maintenant qu'ils ont commencé ceci, ils ne s'arrêteront qu'après l'avoir achevé. Quand Dieu parle de la sorte, ce n'est pas une affirmation, c'est plutôt une interrogation menaçante comme celle-ci dans Virgile. On ne prendra pas les armes, toute la ville ne se mettra pas à leur poursuite. Énéide, livre 4, verset 590, Didon maudit est né, et sa race. La parole de Dieu doit donc être entendue ainsi. Ils ne s'arrêteront donc pas avant que d'avoir achevé. Note. Il y a ici sur la différence de non et de non en latin une remarque intraduisible. Mais, pour revenir à la suite du récit de la Genèse, disons que des trois enfants de Noé sortirent 73 ou plutôt 72 nations d'un langage différent qui commencèrent à se répandre par toute la terre et ensuite à peupler les îles. Mais les peuples se sont bien plus multipliés que les langues, car nous savons que dans l'Afrique plusieurs nations barbares n'usent que d'un seul langage. À l'égard des îles, qui peut douter que, le nombre des hommes croissant, il n'est pu y passer à l'aide de vaisseaux,